C'est Guillermo Guiz. Ça va les amigos? Ouais. Oui. Je crois que vous connaissez la force de mon lien à l'alcool. Oui. Si l'alcool c'est Jacques, moi je suis Bernadette. Il y a des coups de canif dans le contrat, mais on finira ensemble. Et qu'on me comprenne bien, ouais. J'adore l'eau. Hein. L'eau c'est la vie, sans eau pas de vie, sans eau pas de piscine. Sans eau les canards ils seraient obligés de ramper sur le sol comme des paras. Mais n'empêche... c'est vrai, les canards ils boivent que de l'eau. Résultat, ça fait 30 millions d'années qu'ils font que des longueurs dans un étang. Super la vie des canards, génial. Qu'on peut pas dire que ça dope leur créativité. Mais vous savez qu'il y a un canard d'Amérique latine, il a un tiche, il fait la moitié de sa taille. Et si vous comprenez pas ce que c'est un tiche, vous avez qu'à aller à Bruxelles plus souvent. C'est une très belle ville, c'est pas toujours à moi de m'adapter. Merde. Ce canard il a un tiche, c'est. C'est quoi un tiche? C'est un sgeg. C'est un miracle de la nature, vraiment. Eh bien, s'il picolait ce canard, au moins, il se ventrait un peu, quoi. Là, il en parle à personne, il reste humble et tout. Il nage, oui, salut, tu vas bien, oui, merci, à bientôt. Voilà, s'il picolait, il pourrait se vanter de ce tige qui fait la moitié de sa taille. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que j'ai reçu un message Facebook d'un auditeur. On sent que tu rêves. Qui me disait ce que j'adore dans tes chroniques, c'est ton côté prosélyte pour l'alcool. Ça manque sur la radio publique. Super. Quand je quitterai Inter, c'est ça qui restera de moi. Tu te rappelles de ce chroniqueur belge avec son nom de pizzaïolo qui faisait l'apologie de l'alcool 3 billets sur 4? Ouais, celui. Bah maintenant, il vit dans un foyer. Avec Daniel Morin. Allez. Je fais pas l'apologie de l'alcool. Lui est à l'EHPAD, c'est pas pareil. Je fais pas l'apologie de l'alcool. Les chiffres, ils sont sortis hier. L'alcool, c'est 41 000 morts par an en France. Et je sais qu'un jour, peut-être je serai dans cette statistique. Mais il faudrait que je me naturalise français, quoi. Et que j'accepte que mon équipe nationale bétonne derrière pour un oui, pour un non. Jamais, jamais, vous entendez? Jamais. Ceci dit, c'est en baisse. Hein. On était à 49 000 en 2009. On a 41 000 maintenant. On est passé du Parc des Princes à Geoffroy Guichard, tu vois, comme Francis Yasser. Blague de niche. Blague de niche. Blague de niche, mais il y a Michel Denisot. Ça se tente. Il a compris. Ça se tente. Ouais, j'ai mis ça se tente. Francis Yasser, il connaît. Ouais. Il est interpellant, hein, ce rapport, n'empêche, sur la consommation d'alcool en français, qu'une une vieille personne sur quatre. Picole tous les jours. Ouais. Ils sont là. Ce qui explique nos bonnes audiences, je pense d'ailleurs. À cette heure-ci, il y a déjà des auditeurs d'Inter qui sont plus capables, je pense, de changer la station. C'est pour ça que. La bonne nouvelle pour le troisième âge, c'est qu'avec ou sans alcool, finalement, regardez Karl Lagerfeld, pas une goutte, on peut pas dire que ça fait la diff. Hein, au final. Non, c'est vrai. Autre chiffre, parmi les consommateurs quotidiens, c'est vrai, ça fait pas la différence. Autre chiffre, parmi les consommateurs quotidiens, il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes. 3 fois plus d'hommes que de femmes. Ce que je veux dire par là, Leïla, c'est que, voilà, oui, vous êtes différente, c'est vrai, mais c'est ne laissez vrai. Jamais personne vous dire que vous êtes un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, Leïla. Et Leïla, qui a d'ailleurs assisté à ma dernière murge française en date, c'est vrai. Grosse soirée pour moi, ceinture rouge de lamentable. Ah, vraiment, il ouais. y a eu vomi. Il y a eu chute. Il y a eu chute. C'était après ton spectacle, oui, ça va, t'as le droit. Il y a eu vomi, il y a eu chute. Quand je repense à mon état, j'ai envie de crever dans un stérilet, vraiment. Et c'est horrible, parce que le lendemain, les gens, ils me racontent le lendemain, ils me parlent d'un mec que je connais pas, quoi. Vraiment, allez, mon éducation, je me rappelle pas tout, mais il me reste des bribes, tu vois. Ouais. Et je dis, c'est pas possible, j'ai pas dit ça. De toute façon, c'est impossible que vous ayez compris ce que j'ai dit. Déjà, quand je suis sort, on comprend pas ce que je raconte. Avec 7 grammes, c'est de l'indéchiffrable. Tu vois, j'ai jamais dit ça, jamais j'ai dit Benabar président, tu vois. Et à chaque fois, jamais j'ai dit ça. Et à chaque fois que je me murge aussi fort, je me dis, j'arrête, c'est la dernière fois, ouais. C'est la dernière fois. Je me dis, un jour, tu vas aller trop loin. Tu vas aller trop loin, on va te filmer en train d'uriner en public sur un ampli, alors que sobre, tu trouves que c'est une chouette émission, taratata. Sobre, c'est vrai, sobre, tu te dis, il fallait y penser à ce duo Catherine Ringer et Alain Soral pour chanter Mister le gagnant. Très bonne idée, bien joué Gérard Pulicino. Et pourtant, inlassablement, j'y retourne. Vous savez, 86% des Français ont bu de l'alcool au moins une fois. Dans les 86%, bah c'est normal. C'est beaucoup quand même, non? Ça veut dire que moi j'ai regardé les chiffres de la consommation des choux de Bruxelles. Je peux dire y a pas le même amour du produit, hein. Vraiment clairement. Et c'est normal que les gens ils cherchent des exutoires, parce que la vie en société c'est dur et la vie seule c'est encore plus dur. Et alors cette chronique elle s'adresse au CNRS, puisque tout le monde a l'air d'émettant l'alcool. Bah, trouvez-nous un truc qui désinhibe un peu sans les effets dramatiques. Pour moi ça devient vraiment urgent. Allez, bonne émission. Merci Guillaume. Oh, Guillaume. France Inter, midi, la bande originale.